Chapitre 28. Maurice Darville à Angéline de Bonbrun. Mon ami, je suis encore tout souffrant, tout brisé, de cet effort terrible qu'il m'a fallu pour arracher d'auprès de vous. Une fois dans la voiture, j'éclatais en sanglots, et maintenant encore, par moments, je suis faible, comme un enfant. Pourtant, j'essaie de vivre sans vous voir, mais vous oubliez un instant, je n'en suis pas plus maître que d'empêcher mon cœur de battre ou mon sang de circuler. Ah, si je pouvais vous dire l'excès de ma misère. Tout me fait mal, tout m'est insupportable. Angéline, voici l'instant du départ. Je m'en vais mettre l'océan entre nous. Que Dieu ait pitié de moi. Et qu'il vous garde et vous bénisse, ma fiancée chère et sacrée, mon immortelle bien-aimée. Embrassez votre père pour moi. Ô ma vie, ô ma beauté, je donnerai mon sang pour savoir que vous me pleurez. Maurice.